Evariste, dis comment y'en a. Le trio chancelier Abelia et Patrick assurent la mise en onde de ce journal édition de la mi-journée de ce jeudi 16 mars 2023. Donc voici d'abord le sommaire. Le montant de 354 milliards de francs burundais que le gouvernement a destiné à la construction des infrastructures et l'augmentation d'électricité est insuffisant vu les infrastructures dont le Burundi a besoin. Cela a été dit ce jeudi par le directeur national de l'ONG locale Parsem au cours d'une conférence de presse. Vous l'entendrez. Les leaders des confessions religieuses ont un rôle primordial à jouer dans la protection et la promotion des droits de l'homme au Burundi. La vice-présidente de la CNDH l'a dit ce jeudi dans un atelier d'échange organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à Gitega. Et le chef de colline Mutambara, commune et province Rumonge, dans les mains de la police de Rumonge depuis l'après-midi de ce mercredi. Parmi les accusations figure l'adultère, selon des informations obtenues auprès du cabinet du gouverneur de Rumonge. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page des droits de l'homme. Les leaders des confessions religieuses ont un rôle primordial à jouer dans la protection et la promotion des droits de l'homme au Burundi. Dans un atelier d'échange organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à Gitega, la vice-présidente de la CNDH a indiqué que ses responsables religieux ont une grande influence sur les communautés d'où ils doivent être sensibilisés sur leur apport dans la consolidation de l'harmonie sociale. Ceci leur permettra de jouer pleinement leur rôle de guide spirituel et ainsi prévenir d'éventuels conflits et violations des droits de l'homme, a déclaré Consolata Habimana. On l'écoute. Ils ont des opportunités de rencontrer toute une grande masse de la population par rapport à la population qui se trouve sur le territoire national. Parce que chaque citoyen burundais, il a une dénomination, donc ce que je peux appeler une famille spirituelle dans laquelle il est éduqué. Donc il appartient à une confession quelconque, ce qui fait que c'est un milieu pour lui, un milieu d'encadrement. Étant donné que c'est un milieu d'encadrement pour ce fidèle qui a choisi d'être membre de cette confession, il doit nécessairement être protégé dans ses droits et dans sa vie spirituelle que physiquement. Surtout que les droits de l'homme touchent toute la vie de chaque citoyen, donc tout ce que nous vivons. Et si c'est le droit de l'homme qui s'applique, donc ces leaders religieux sont interpellés pour être impliqués afin que donc ces droits, d'abord reconnus par la loi à tout citoyen, à tout fidèle, doivent aussi être connus par ces leaders afin d'être protégés. Parce qu'on ne peut pas protéger l'individu dans une situation que tu ne maîtrises pas. Pour la plupart de ces confessions, seulement qu'ils doivent un encadrement spirituel de leurs fidèles, il faut aussi penser à leur vie quotidienne. D'où certaines confessions conçoivent des projets pour aider leurs fidèles, des projets d'avenir, des projets tels que la construction des écoles, la construction des hôpitaux, la construction donc d'autres projets générateurs de revenus, ce qui permet à leurs fidèles d'abord d'avoir de bourreaux et faire survivre leur famille, mais aussi profitable pour la population environnante, donc de l'emplacement de ce projet. Propos recueillis par Francine Ndiokougayo, notre envoyé spécial à Gitega. De Gitega, rendons-nous au sud du pays, à Rumonge précisément, où le chef de colline Mutambara, en commune et province Rumonge, est dans les mains de la police de Rumonge depuis l'après-midi de son mercredi. La police de Rumonge confirme la retention de Sylvain Kashindi pour des raisons d'enquête sans plus de précision. Parmi les accusations figure l'adultère selon des informations obtenues auprès du cabinet du gouverneur de Rumonge. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Après plusieurs heures d'interrogatoire au service national de renseignement, puis à la police judiciaire de Rumonge, selon des sources sur la colline Mutambara, Kashindi Sylvain, chef de colline Mutambara, a été conduit au cachot de la police de Rumonge vers 16 heures de ce mercredi. La police de Rumonge confirme cette rétention pour des réseaux d'enquête sans pour autant préciser les dossiers qui pèsent contre ce responsable collinaire. Cependant, des informations obtenues de certains des habitants de Mutambara et qui auraient même parvenu au gouverneur de Rumonge selon ses propos indiquent que Kashindi Sylvain a été arrêté après une plainte déposée contre lui par un voisin de Mutambara même, l'accusant d'entretenir des relations amoureuses avec sa femme. Pour Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, l'adultère qui a valu des enquêtes sur ce chef collinaire n'est qu'un dossier parmi tant d'autres qui doivent eux aussi faire objet d'enquête, martyre le gouverneur de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour cette correspondance de Rumonge Cap sur Bubanza, où des échauffourées ont éclaté hier mercredi dans les enceintes de l'école technique agricole Itab Gihanga. Dans la province de Bubanza, certains élèves ont été battus par leurs camarades. L'une des victimes est hospitalisée selon des témoins sur place. L'origine des bagarres tient au vol qui venait d'avoir lieu au bureau du directeur d'internat où on a défoncé les cadenas, on a volé tous les cahiers suiveurs ainsi qu'un registre et les élèves qui se disent représentants des autres ont vite procédé aux enquêtes et les suspects sur ce vol ont été battus. La calme est revenue ce jeudi matin avec l'arrivée du directeur provincial de l'enseignement ainsi que le directeur communal qui ont promis que les enquêtes vont vite commencer afin que les coupables soient sanctionnés conformément à la loi. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Page économie à présent, le montant de 344 milliards de francs burundais que le gouvernement a destiné à la construction des infrastructures et l'augmentation de l'électricité est insuffisant vu les infrastructures dont le Burundi a besoin. Cela a été dit ce jeudi par le directeur national de l'ONG locale Parsem au cours d'une conférence de presse. Faustin Dikumana déplore la construction de certaines infrastructures alors que les moyens n'ont pas été prévus dans le budget de l'État. Il donne l'exemple du stade Inwari en cours de construction. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jamal Vianney Ngendakumana. Nous constatons que le budget actuel de 344 milliards du ministère des Travaux publics est en grande partie composé par 258 milliards pour le chemin de fer. Ça veut dire que le reste est dérisoire. 75% est dévoré par la construction de ce chemin de fer. Les autres, on a 24 milliards pour les routes, 19 milliards pour les constructions diverses. Qu'est-ce que nous constatons alors? Que le montant réservé aux autres infrastructures est dérisoire, notamment les routes, l'électrification des campagnes et des sensibles, le remplacement des réseaux de distribution d'eau ici à Médobujumbura, comme ça. Et aussi, il faut, on constate l'existence encore des projets hors budget, notamment la construction de certains bâtiments, des bureaux ministériels, des bâtiments, les stars comme ces bâtiments, constat l'Assemblée nationale ici et là. On ne voit pas de traçabilité dans le budget. La construction des stades, on voit un stade qui est en train d'être construit ici. Il n'y a pas de traçabilité dans le budget. Comment est-ce qu'il est financé? Comment est-ce que ça sera contrôlé? Tout cela pour justement développer la transparence. Encore, nous constatons l'annonce des projets dont le financement reste hypothétique. Il n'est pas perçu ici dans le budget. On annonce le construction des logements sociaux. Il n'y a pas de traçabilité. 30 buildings qui pourraient être construits à Gitega. On n'a pas de traçabilité. L'aéroport de Bugendanape. Pas encore de traçabilité. Encore, on remarque un manque de cohérence entre la planification centrale et la planification locale. Encore une fois, nous voyons qu'il y a des projets qui devaient être priorisés, comme justement l'électrification, le remplacement des réseaux électriques, traduction d'eau, la construction des stocks stratégiques carburant, les routes, la mairie de Bujumbura, par exemple la route Mutakura ou autre, la lenteur dans les projets, comme Gigi Murenge, qui a quitté un décaissement de 30 milliards, sur l'utilisation de la Banque mondiale. C'était la Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG locale Parsem. L'association burundaise des consommateurs à Boukou demande aux autorités du pays de tout faire pour que les prix de différents produits sur le marché cessent de grimper. Pierre Ndouayo, président de cette association, demande également la disponibilité du courant électrique pour faciliter les activités génératrices de revenus. Il a dit ce mercredi le 15 mars à marge de la célébration de la journée mondiale des consommateurs. On l'écoute. L'association des consommateurs se rejoint aux autres associations membres de l'Organisation internationale des consommateurs pour célébrer cette journée. Et le thème est retenu au niveau mondial est relatif à l'énergie, notamment l'accessibilité à l'énergie, la qualité de l'énergie, et on parle de l'énergie propre, mais aussi le coût de l'énergie, surtout au niveau international, avec le prix des gaz qui ont beaucoup grimpé. Et voilà donc la thématique qui est retenue pour cette année. Et là, beaucoup aussi c'est joué aux autres associations, surtout que la problématique aussi de l'énergie ici chez nous est vraiment perceptible. Moins de 10% de la population a accès à l'énergie, alors que nous savons que l'énergie c'est vraiment la véritable source du développement. Encore une fois, c'est que malgré le peu qui ont accès à cette énergie, nous observons des coupures répétitives dans beaucoup de quartiers, ce qui fait que quand même la préoccupation a un fondement aussi ici chez nous. Spécifiquement pour le Burundi, cette journée est célébrée au moment où la plupart des produits de base, des produits vivriers, ont connu des prix très très hauts. Nous essayons de faire un plaidoyer au niveau des pouvoirs publics pour qu'ils mettent tout en œuvre pour permettre à la population d'accéder aux produits de base, surtout que les moyens de la population, malgré les prix qui ont grimpé, n'ont pas suivi. Le problème des consommateurs en ce moment, c'est justement avoir des produits de qualité à un prix abordable, mais aussi des quantités suffisantes. Les propos de Pierre Ndouayo, président de la Boukou, ont été recueillis par mon confrère Jean-Marie Mayunga. La Banque d'investissement et de développement de la femme, BIDF, va bientôt ouvrir des agences régionales, à commencer par la capitale économique Bujumbura. Propos de l'administrateur directeur général de cette banque lors d'un atelier de sensibilisation sur les services de cette banque à l'intention des femmes regroupées en coopératives, partis politiques et les administrateurs communaux de la province Kayanza. Le même atelier se poursuit ce jeudi dans la province de Ngozi. Ndabahariye Marie-Salomé indique que dans les provinces où ils n'ont pas d'agence, ils vont y envoyer des points focaux. Écoutez Ndabahariye Marie-Salomé au micro d'Arthur Kavabouche. Concernant la situation géographique de la banque, en premier lieu, vous savez que le siège social de la banque se trouve dans la capitale politique à Gitega. Et nous avons trouvé au début, quand on a commencé les activités, on a constaté que c'était aussi un défi, même que ce soit un avantage parce que c'est le centre du pays, mais c'était quand même un défi pour certaines femmes et surtout les femmes à revenus faibles. Parce que ça coûte cher de se rendre à Gitega plusieurs fois pour ouvrir le compte, pour déposer le dossier, etc. C'est pourquoi nous avons envisagé dans les meilleurs délais d'ouvrir une agence et d'abord en mairie de Bujumbura parce que c'est la capitale économique et puis alors dans les autres centres urbains et pour commencer afin de rapprocher la banque et de ses clients. Dans cette optique aussi de délocalisation, et nous avons pensé et utiliser les moyens modernes, les techniques modernes de digitalisation par le mobile money. C'est-à-dire que nous allons collaborer avec des compagnies de télécom qui ont les fintech et nous allons pouvoir utiliser les techniques de mobile money et comme l'UmiCash ou EcoCash ou Sama Money, il y en a beaucoup. Et nous sommes dans les pourparlers pour les partenariats, mais pour cela nous devons demander l'autorisation à la Banque centrale pour qu'on puisse se lancer dans ce projet-là. Dernier dossier de ce journal, les conjoints des militaires membres de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires. Ces cadets en sigle sont appelés à se mettre en association et élaborer des projets afin d'avoir accès au crédit accordé par cette coopérative. Cet appel a été lancé ce mercredi à Bururi par le président du conseil d'administration de la CKDM qui rappelait aux militaires et retraiter les différents produits de cette coopérative. Colonel Ninheretse Epadon a également fait savoir qu'à partir de ce mois de mars, les retraits d'argent sur les comptes se feront désormais à l'aide des téléphones portables. Zenon Zambimana, notre correspondant sur place, nous en dit plus. C'est une réalité, certains parmi les conjoints des militaires n'attendaient que les salaires de ces derniers pour le développement de leur famille, raison pour laquelle la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, Sekadema Sigle, a déjà initié un nouveau produit qui est l'octroi des crédits aux conjoints des militaires, membres de cette coopérative, afin qu'ils participent activement au développement. Cela a été dit ce mercredi à l'école des sous-officiers de Bruli par le président du conseil d'administration de la Sekadem, qui expliquait les différents produits et services offerts par la Sekadem à ses clients. Colonel Nese Padon appelle les conjoints des militaires à se mettre en association et présenter des projets de développement à la Sekadem pour avoir accès à ce type de crédit, initié surtout dans le cadre de l'autonomisation de la femme et dans le but de répondre au manque de connaissances en matière d'élaboration des projets de développement. Colonel Nese a fait savoir qu'une formation pour 200 femmes leaders en provenance de toutes les provinces du Burundi est prévue au début du mois d'avril de cette année, au moment où certains des militaires et retraités de la province de Bruli qui sont obligés de se rendre à Rumonge ou à Matana pour certaines opérations à la Sekadem demandent l'ouverture d'un guichet au chef-lieu de la province de Bruli. Colonel Ninheretse Padon rassure qu'avant la fin de ce mois en cours, un nouveau produit appelé Mobile Banking qui permettra aux clients de la Sekadem de consulter le solde sur leur compte et de faire des retraits à l'aide des téléphones portables sera fonctionnel. Colonel Ninheretse appelle les militaires en activité et les retraités militaires à épargner et à contracter des crédits pour le développement, surtout qu'aucun type de crédit à la Sekadem n'exige un taux d'intérêt supérieur à 8%. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Voilà, c'est sur cette correspondance de notre correspondant Bururi que se referme cette actualité. Mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, je le rappelle, l'essentiel. Le montant de 344 milliards de francs burundais que le gouvernement a destiné à la construction des infrastructures et l'augmentation de l'électricité est insuffisant vu les infrastructures dont le Burundi a besoin. Cela a été dit ce jeudi par le directeur national de l'ONG locale Persem au cours d'une conférence de presse. Les leaders des confessions religieuses ont un rôle primordial à jouer dans la protection et la promotion des droits de l'homme au Burundi. La vice-présidente de la CNDH l'a dit ce jeudi dans un atelier d'échange organisé par cette commission nationale indépendante des droits de l'homme à Gitega. Le chef de colline Mutambara en commune province Rumonge dans les mains de la police de Rumonge depuis l'après-midi de ce mercredi. Parmi les accusations figure l'adultère selon des informations recueillies auprès du cabinet du gouverneur de Rumonge. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci au trio Chancela, Abéa et Patrick qui assurait la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikumanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.